Le sentiment d'insécurité des Français s'est exacerbé de façon exponentielle durant ces dernières décennies. La crise économique et le conflit israélo-palestinien ont en effet exacerbé le désœuvrement dans les quartiers populaires où règne une paupérisation galopante. Pantin, Seine-Saint-Denis. Il était un peu plus de 14 heures lorsqu'une dizaine de salboumioules ont fait irruption au centre commercial Bicomarché. Et là, c'est le drame. Une personne âgée et un Chinois ont notamment été molestés à l'aide d'un BFG 9000, comme dans Doom 2. Ils sont en train de tout fouiller. Ah, ça fait mal. Ils nous enculent. Mais ça fait mal. Ah. Après une demi-heure de foutage de merde, voyant débarquer les lardus, ils se sont barrés avec leur jetpack, comme dans deux Nukem 3D. De la vie de témoins présents, ils sentaient la merguez et avaient de sales gueules de merde de melon pourri. Ah, il faudrait vraiment leur perforer le cul. En plus, ils font des cunilingus à des chèvres. Je confirme Fatima, il semblerait que ces putains de troncs de mécuille ont débarrassé le plancher après avoir foutu leur merde comme des arabes en chaleur. Ah, sale bonhomme, rentrez chez vous. Ouais, rentrez chez vous, enculeur de chameau.